doivent envisager l'inscription en master avec un dossier de préinscription qu'il va falloir ouvrir sans tarder, mais avec des éléments qui pour l'instant font défaut. Donc à partir de 16h, s'il n'y a pas dans la salle, une réunion vous est consacrée. Voilà. Bonjour à toutes et tous, merci d'être là. Je ne prends pas la parole pour la garder. Je propose tout de suite de passer à la discussion. Donc ce que je vous propose, c'est à chacun ou chacune d'entre vous de vous exprimer. Alors vu le nombre et la configuration des lieux, à moins que vous ayez assez de coffres, vous venez par le micro. Voilà, c'est la seule règle, c'est ce que je vous propose. Donc l'idée étant que vous puissiez, comme le disait Francis à l'instant, faire part de vos questions concernant les enseignements, concernant d'autres sujets que vous auriez à l'esprit, faire part de vos inquiétudes si vous en avez. Voilà. Je propose de commencer par la discussion. Gardez en tête qu'on a 2 heures devant nous, à peine, en 1h15. Et qu'à un moment donné, si on éprouve le besoin de dire bon, on n'arrête pas la discussion pour passer. Passer peut-être à un échange, à un échange plus formel. Ne le prenez pas en ombrage, hein, c'est simplement pour pouvoir faire tout dans la même après-midi. Voilà. Est-ce que d'ores et déjà, quelqu'un a envie de s'exprimer ? Vous avez assez de coffres, hein ? La question ? Non. Ah. Alors, soit il faut parler plus fort, soit il faut venir en micro. Concis, clair. Alors, en fait, vous avez été destinataire, via le MT, si je ne me trompe pas, d'un communiqué de l'administrateur provisoire de l'université, Richard Régalier, qui a été publié hier. Nous n'avons pas reçu directement ce communiqué et certains d'entre nous s'en sont aperçus parce que parmi vous, certains nous ont écrit pour nous poser des questions et après coup on s'est dit tiens c'est bizarre, ils ont des infos qu'on n'a pas. Et donc voilà, c'est juste après qu'on a eu l'idée d'aller chercher sur l'ENT et qu'on a vu le communiqué. Bon alors pourquoi, moi je ne pourrais pas répondre à la question, personne d'entre nous ne pourra répondre très précisément la question de pourquoi, c'est-à-dire pourquoi Richard Régalier a décidé de reporter les examens. Cependant, on peut faire quelques hypothèses. Il a été formulé par un certain nombre de départements dans l'université le fait que, de leur point de vue, il n'y avait pas suffisamment d'enseignement dans le semestre pour permettre des évaluations ce semestre. C'est notamment la position du département d'histoire, je ne trahis rien, la publique, hein, et la position d'autres départements. Alors, nous, nous n'avions pas exprimé cette position-là au titre du département d'anthropologie, parce que dans le département d'anthropologie, il y a ceci de spécifique que dans un grand nombre d'UE, pour ne pas dire la plupart, des UE de licence, hein, ce semestre, il y a des supports, il y a quelques cours qui ont pu être donnés déjà. Donc on a fait un bilan précis, hein, la 7e semaine, et selon les UE, il y avait eu entre 3 et 7 cours sur le semestre. Il y a une UE où il n'y en a eu aucun en L3. Voilà. Vous pouvez pas le dire. Et voilà. Donc pour la plupart des enseignements, qu'il y ait eu peu de cours, plutôt pas mal, il y a des supports de cours qui ont été mis en ligne. Alors dans certains cours, ça prenait la forme de vidéos de cours filmés l'an passé, dans d'autres cours, ça prenait la forme d'un document écrit, dans d'autres cours encore, ça prenait la forme de conseils de lecture, etc. Enfin, bon, je ne parle pas dans le détail, je ne connais pas les détails précis. Donc on n'était pas dans la situation particulière de certains autres départements, qui n'ont pas tous une licence disponible au CED et donc des supports d'enseignement rapidement disponibles, et qui n'ont pas tous pu tenir autant d'enseignements qu'on en a tenu dans certaines UE. Donc en gros, l'idée, j'imagine, en tous les cas, l'hypothèse que je fais, mais je laisserai la parole à mes collègues s'ils ont une idée, c'est que Richard Laganier a dû se ranger sur la position des départements qui avaient exprimé ses besoins, d'avoir quelques semaines d'enseignement sous la forme de cours ou de renouvellement pédagogique après les vacances de printemps, de manière à pouvoir procéder aux évaluations, ce qui aboutit au décalage des dates de la première session, de mai à juin. Donc en l'occurrence, je crois, il dit dans son communiqué début juin, c'est ça. Donc on peut imaginer que ça sera la première quinzaine, même si les dates, je ne les connais pas, elles ont peut-être pas été encore arrêtées. Et la deuxième session au mois de septembre, vraisemblablement, dit-il, entre le 3 et le 15 septembre, avec l'obligation que les notes de la première session du second semestre soient rentrées, enfin ce qu'il prévoit en tout cas, c'est qu'elles soient rentrées, c'est-à-dire saisies, pour le 26 juin. Voilà moi ce que je peux vous dire, est-ce que quelqu'un a envie d'apporter des compléments là-dessus ? Ici, dans la salle ? Oui. C'est quoi les dates de juin ? Je ne les connais pas. La seule mention qui est faite, c'est la session 1 qui est donc reportée le 10 juin. Non. Alors, je vais essayer de distribuer la parole. Donc, ici, je m'en vais monter ici, là, là, là, là, je crois. Voilà. Alors, pour apporter des compléments, je me sens que c'était un communiqué, mais ils exigeaient, je crois, 3 semaines de cours au moins avant la tenue des examens, pour que la fac soit débloquée 3 semaines avant les examens qui s'avaient prévus. C'est formulé comme ça. Si vous voulez, je peux vous lire le communiqué. Pour ceux qui doivent arriver certains. Est-ce que quelques-uns l'ont pas lu ? Qui ne l'a pas lu le communiqué ? Bon. Histoire qu'on ait tous le même niveau d'information, hein, je vous propose de le lire. Et comme cela, on sera tous informés de la même manière. Nombre d'entre vous, je vous passe les formules de politesse. Chaque étudiant, écoutez-moi, c'est pas moi qui parle, hein, c'est Richard Laganier. Chaque étudiant pourra passer ses examens. Compte tenu de la situation que traverse l'université, le calendrier initialement validé entre le 7 et le 23 mai ne pourra être tenu. Vous imaginez pourquoi. La période de suspension pédagogique fixée entre le 16 et le 30 avril est en revanche maintenue. La session 1 est donc reportée début juin pour un retour des notes des enseignants au plus tard le 26 juin. La session 2 se déroulera début septembre, vraisemblablement entre le 3 et le 15. Je le redis, le principe d'une note plancher améliorable n'est pas à l'ordre du jour et ne sera pas mis en œuvre. Il en va de la crédibilité de vos diplômes. Il s'adresse à vous. Afin de préserver l'équité de traitement, aucune mesure de rétorsion ne sera envisagée ni permise contre les étudiants mobilisés. Il paraît que dans certains départements, on a pris quelques libertés de ce point de vue, enfin, ça s'est arrivé aux oreilles, ce contre quoi, évidemment, tout le monde s'insurge parmi nous. Les composantes tiendront, c'est-à-dire les départements et les UFR, les composantes tiendront compte des réalités différentes d'une filière à l'autre. Certaines pourront nécessiter des cours supplémentaires en présentiel. Donc il n'y a pas de caractère obligatoire. Si l'accès aux salles des cours n'est pas possible sur le campus Mirail, des lieux alternatifs pourront être mis à disposition. Nous y travaillons de concert avec le rectorat et les responsables pédagogiques. Ça ne va rien mettre. Les examens ne pourront porter que sur les programmes proposés et revus par les équipes pédagogiques de chaque lieu. Cours assurés en présentiel, support dématérialisé déposé sur la plateforme Iris, au plus tard 15 jours avant le début de la session. Donc au plus tard, le 15 juin, grosso modo. Les équipes pédagogiques veilleront à ce que le volume des différentes ressources déposées soit raisonnable et compatible avec le délai de révision. Un accompagnement pédagogique pour préparer vos examens pourra être organisé sous forme de regroupement ou encore par un soutien sur cette même plateforme Iris. Là non plus, pas d'obligation, on laisse toute latitude aux composantes qui sont organisées. Les épreuves pourraient prendre la forme de travaux personnels d'étudiants ou d'examens sur table. Ces hypothèses sont à l'étude dans chaque composante pédagogique. Ces modalités seront validées par les conseils du FR sur proposition des départements. Si quelqu'un ne comprend pas ce jargon, dites-le-moi. En cas de litige, une commission ad hoc, composée de personnel administratif, d'enseignants, enseignants-chercheurs et d'étudiants, il n'est pas précisé la part de chaque catégorie dans cette commission, sera compétente du fait des circonstances particulières. Je vous tiendrai informé des avancées et décisions sur tous ces points par le biais de votre mail étudiant et de l'EMT, et vous invite à vous rapprocher de vos composantes dès le retour des vacances de printemps le 30 avril prochain. Tout le monde a le même niveau d'information. Donc il n'y a pas, ça a circulé cette idée, mais dans le communiqué même, il n'y a pas mention de l'obligation d'ouvrir pendant 3 semaines pour pouvoir tenir des cours avant les examens. Oui, bien sûr, mais bon. Est-ce que quelqu'un d'autre, il y avait d'autres personnes qui voulaient intervenir dans mon temps, sans bruit? Moi, je voulais juste savoir. Parlez plus fort. En ce qui concerne les notes de la session 1, là, vous serez dans l'obligation ou pas de nous donner en mettant en position 2 ou on aura encore. Pour les notes de la session 1, je laisse peut-être. Là, de la première, du premier semestre, vous voulez dire. Oui, je laisse Francis répondre, peut-être depuis Corinne, pour les éléments pour voir comment ça se passe. En fait, je parle surtout de la Corinne, mais la majeure partie des notes du premier semestre étaient déjà rentrées par nous. Une bonne partie, Ils n'ont pas été délivrés pour l'instant. On avait adopté comme principe la rétention des notes. Mais. Là, je ne vais pas pouvoir tout dire. Mais pour un certain nombre d'entre nous, dont je fais partie, il était impossible, même si on avait voulu, de rentrer les notes. Parce que. 3 points de suspension. Je pense qu'aujourd'hui ce problème est réglé. Les tensions sont levées, donc on est à peu près en mesure de rentrer. Donc, reste à savoir si la décision sera prise, de les porter à la connaissance de l'administration. Là, je vous rappelle que la position que nous avions. Ce que nous avions adopté comme position, c'était de les faire connaître aux étudiants sous couvert d'anonymat, à partir du numéro d'étudiant. C'est ça qu'on avait dit. Je pense que dans pas très longtemps, je sais pas. Comme il fait semblant de ne pas entendre, je pense que d'ici peu de temps, on sera en mesure de faire connaître toutes les notes. Moi, si j'ai pas accès au bureau, il y a des choses que je peux pas faire. Donc, concrètement, il y avait deux problèmes. C'est-à-dire qu'il faut que les notes. Concrètement, comment ça se passe? Les enseignants saisissant sur un outil de saisie. Mais c'est pas directement à partir de cet outil de saisie que les étudiants ont accès aux notes. Une fois que c'est saisi sur cet outil de saisie, qui est interne au département. Le travail de Corinne consiste ensuite à extraire ces notes et à les mettre sur un autre outil de saisie qui permet de les rentrer dans qui permet d'éditer ensuite les relevés de notes et qui permet de rendre visibles ces notes à tout le monde par le biais de l'EMT. Et c'est ce travail-là qu'aujourd'hui elle ne peut pas faire dans les conditions actuelles parce qu'elle n'a pas d'ordinateur à la maison parce qu'elle travaille depuis chez elle. Il n'y en a pas d'ordinateur à la maison, mais des logiciels qu'il faut pour pouvoir faire ce travail-là. Alors, pour le dire autrement, je pense que du point de vue des enseignants, je m'adresse à mes collègues directement, nous pouvons faire le travail pendant les vacances de Pâques pour ceux qui n'ont pas pu le faire jusqu'ici. Je pense que pour ce qui est de finir, de corriger les copies qui restent en suspens et de mettre les notes et de les rentrer, nous devons pouvoir le faire pendant les 15 jours qui viennent. Reste ensuite à faire le travail administratif que dit Jérôme. Merci. deux étapes différentes. Bah oui, mais il faut bien qu'on sache tout ça. Elle m'a mal, alors que je vais aller en cuisine voir. Du coup, tu s'adresser à la gestionnaire du département ou pas, mathématique, ça s'appelle Francine Sonnebo, qui est pour les options dans les départements, auprès des gestionnaires scolarité, des départements qui vendent les options. Ouais. Est-ce que vous en parler plus fort? Il y a des étudiants qui ne pourront pas être là en juin. Comment ça va se passer pour les étudiants qui ne vont pas être là? Oui. Alors, il y a comme ça, enfin, je ne sais pas, je ne peux pas vous dire de réponse pour chacun, mais les premières réponses qui me viennent, c'est la première réponse évidente, c'est celle qui est animée par un certain nombre d'étudiants déjà chaque année, c'est se présenter à la seconde session et pas à la première. Je sais que ce n'est pas complètement satisfaisant. La deuxième. Ensuite, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que dans certains lieux, on en reparlera peut-être tout à l'heure, il ne va pas nécessairement vous être demandé de composer dans le cadre d'un travail sur table, hein, c'est-à-dire en salle, en examen. Il y a des UE où on étudie la possibilité de vous faire composer à la maison. Mais suffit du UE en présentiel, ça va. Oui, mais je ne sais pas du tout comment ça. Je suis très content. Laurent dit à l'instant qu'il suffit d'une UE en présentiel, effectivement, pour que ça vous bloque, puisque vous ne pourrez pas venir à toute la session. Et là-dessus, je n'ai pas de réponse à priori, quoi. Enfin, je ne sais pas. Si ce n'est, moi, le conseil que je pourrais vous donner, c'est d'envoyer un mail à la fois à Corinne Janssen et aux responsables des différents UE que vous suivez. Pour informer les situations, de manière à ce qu'on puisse étudier la possibilité de vous apporter une réponse personnalisée. Et je ne peux pas m'engager plus avant là. Alors, on descend du rang 11. Est envisageable comme forme d'examen. Très dépend. Ce qu'on appelle travail personnel des étudiants, ça peut être effectivement un devoir qu'on donne à faire à la maison et à envoyer. De courrier postal, sous forme de courrier électronique. Mais ça peut être aussi une épreuve en temps, T, et de telle heure à telle heure, à renvoyer au bout de l'épreuve, comme vous remettriez une copie au bout d'une composition, d'un examen classique. Pour l'instant, on ne sait pas de quelle marge de manœuvre, on peut bénéficier en fonction des cas spécifiques de chaque UE. Nous sommes tout de même tenus par des modalités d'examen qui ont été validées au niveau de l'université, qui ont été votées par les sous-examens par l'Académie, qui n'existent plus. C'est pas le problème. C'est tous ces conseils sont en cours d'existence. Donc, toutes ces instances, il y a tout. Théoriquement, pour modifier la teneur de l'examen, il faut en passer par un vote administratif et au sein du conseil CFE. Si la teneur des examens est modifiée, qui aujourd'hui est en mesure de valider la modification qu'on doit intervenir? Je ne suis pas sûr que l'administrateur provisoire ait à sa disposition les compétences pour le faire. Donc on est très gêné aux entendus. Passer du mode présentiel au mode à distance, je pense que c'est pas ce qui peut poser le plus de difficultés. En revanche, modifier la teneur de l'examen, moi ça pose point. Il faut jamais oublier que quand on passe à l'examen, je ne dis pas ça pour donner mauvaise idée aux uns aux autres, hein, mais la session d'examen peut toujours être attaquée et peut courir le risque d'invalidation. Et c'est ça aussi qui nous fait être très prudents dans la manière dont on peut réorganiser les choses dans son sens. Alors, je ne sais pas où vous avez quelqu'un peut répondre. Est-ce que je peux dire deux? Oui, c'est une idée qu'on avait eue avec Jérôme, qui a plutôt bien marché. On s'est bien pas l'imposer à tous les collègues, chacun à sa manière d'enseigner. Je ne crois pas qu'on puisse généraliser à chaque fois pour l'ensemble d'entre nous. Ce qu'il faut, c'est qu'on arrive à l'issue de cette discussion, à nous donner des idées, pour pouvoir la meilleure manière d'adapter le plus grand nombre de cas particuliers. La modalité d'examen à distance, à vous entendre, et en réfléchissant, je pense que c'est pas mal. On n'est pas absolument certain que même en juin, je me fais le relais de ce que disait Sophie à l'instant, aurons-nous des salles pour composer. Certains seront en train de travailler en juin. Il faut qu'on y réfléchisse, mais je pense que une modalité d'examen à distance serait la bonne. Ça a une bonne solution, et pourquoi pas en donnant le sujet à l'avant. Ce qu'il faut éviter pour nous, c'est un sujet d'examen qui... si vous le faites à distance, il suffirait de recopier un bout du cours CED. C'est pas intéressant pour vous, c'est pas intéressant pour nous. Donc ça pousse plutôt dans la direction d'une question un peu plus générale, telle qu'on l'avait formulée. Jérôme. Alors, je voulais savoir si vous aviez des Alors, il y a des UE où vous avez eu, effectivement, on vous a demandé de rendre des dossiers au mois de mai, en particulier les UE de méthodo, l'UE d'anthropologie visuelle, il me semble en licence 2. Et là, peut-être que le plus simple, ça serait que les enseignants en charge de ces... Ariane, tu veux dire un mot pour l'anthropologie visuelle, par exemple Oui, alors effectivement, elle a dit au mois de mai, là, c'est repoussé au mois de juin, si c'était en juin, vous l'envoyez en juin. Benjamin Bertrand et Léo Berthet qui sont là pour les TD de Grand Courant et Concept en deuxième année. Je crois qu'il a été demandé dans certains groupes au moins. Le groupe de Léo, je ne sais pas, mais celui de Benjamin, mais celui de Grégory Bossard, il a été demandé de comprendre une lecture depuis longtemps déjà. Vous en avez reçu pas mal. Hein. Vous voulez dire deux mots à ce propos? Pour ce cours-là, de fait, j'avais déjà reçu les trois quarts des dossiers, donc en fait, il y a quelques groupes qui n'ont pas donné leur dossier. Je pense que le plus simple, c'est qu'ils les rendent et je ferai évaluation si évaluation il y a à partir de ce dossier-là. Vu qu'il y a déjà eu deux rendus pour la plupart des groupes, j'ai déjà Mais ce sur quoi on s'est mis d'accord au sein du département, c'est qu'il y ait une grande souplesse au niveau des dates de rendu. C'est-à-dire que grosso modo, compte tenu des dispositions adoptées par Richard Lagagnier, eh bien qu'on puisse accepter que les rendus soient faits, par exemple, à une date au cours de la première session. Ça pourrait être par exemple le 1er juin, le 5 juin, enfin, je ne sais pas. Vous n'aurez pas nécessairement toute la première session pour rendre vos rendus. Mais il y aura une date butoir qui vous sera communiquée, nouvelle, pour rendre les devoirs que vous n'auriez pas rendus. Voilà. Dans une même UE, il se peut qu'il y ait quelques aménagements. C'est-à-dire qu'il se peut que dans les groupes de TD d'une même UE, le travail qui a été entamé déjà ne soit un peu différent. Et donc il se peut, ne vous étonnez pas, que dans un groupe... parce que vous avez déjà commencé à rendre deux devoirs, vous avez évalué sur deux devoirs, et que dans un autre groupe, parce que ça n'a pas été travaillé comme ça, vous soyez finalement évalué que sur un devoir. Voilà. C'est pas grave, l'important c'est qu'à la fin, vous puissiez avoir une note qui reflète le travail que vous avez demandé. Vous avez là-haut. Il y a même carrément un cours qui n'a pas encore commencé. D'accord. Il se trouve que, pour compléter un petit peu ce qui était dit précédemment, pour compliquer un peu l'affaire, il faut savoir que nous n'avons pas forcément entre nous la même conception de ce que nous attendons au moment de l'examen, en fonction des jeux. Par exemple, ça a été évoqué à l'instant, l'idée de donner un sujet par avance avec un devoir à faire chez soi, ça, c'est pas de ma conception. Donc moi, je ne proposerai pas ce genre de choses. Il faudra que je trouve autre chose. Moi, j'ai une conception très particulière de l'examen de fin de semestre, qui est avant tout pour moi, surtout en licence, hein, pas en master, mais en licence, c'est véritablement l'évaluation des connaissances par rapport au cours qui a été délivré pendant ce semestre. Alors maintenant, la question qui va m'être posée très précisément pour l'anthropologie de l'économie, qu'est-ce que je suis en mesure d'avoir comme attente vis-à-vis d'un cours qui n'a pas été dispensé. On aura probablement recours au document du CED, mais le document du CED pose d'autres problèmes d'ordre administratif et juridique, à savoir que le cours, comme vous savez, le CED est un service payant, que des étudiants, que des étudiants se sont inscrits et ont payé pour ça, et que nous avons pas plus tard qu'hier reçu un message de la DHSC disant que, attention, vous ne pouvez pas lutter de ces cours comme bon nous semblait, parce que on s'exposait à des étudiants du CEP, normalement inscrits, notamment leur entreprise. Pardon, je vais sauver ça. On a une propriété intellectuelle sur le cours, mais le CEP est propriétaire de l'autre cours. Alors, là aussi, on est coincé. Moi, je vais certainement faire ça pour une cour qui m'occupe. Voilà, on est coincé de tous les côtés, réellement. Mais on essaiera de trouver de toute façon la meilleure solution au cas par cas. On a déjà recensé lors d'une réunion que nous avons tenue au sein de l'équipe les cas qui se posaient mieux par eux. On a essayé de dégager des solutions pour autant que faire se peut. Et de toute façon, on a une constante, je pense, entre nous, c'est qu'on nécessairement, on baissera notre niveau d'exigence. Ça, on ne pourra pas faire moins. Je n'ai pas répondu à la question. Eh oui, même si on fait passer un examen sur un cours qui n'a pas eu lieu, il n'en devra avoir pas moins que le cours n'a pas eu lieu. Et que ça, effectivement, tout ce qui aurait pu se passer entre vous et moi pendant 24 heures, soit 12 séances de 2 heures, ça n'aurait pas eu lieu. Oui, eh bien, c'est ce que je viens de dire, ça sera le cours du 7. Et le cours du CED, on est bien d'accord, ne remplace pas le cours en financier. C'est ce que vous avez voulu dire. Et je vous en remercie. Pour continuer cette discussion, on ne pourra pas tous vous apporter une réponse directe là-dessus, hein, mais pour ce qui est des cours en L3, anthropologie d'apparenté, anthropologie du genre, on fonctionnera comme on a fonctionné auparavant depuis 2 ans sur anthropologie de l'apparenté, c'est-à-dire qu'on communiquera donc pour parenté 2, et anthropologie du genre à 33, on communiquera une question via le MP et on vous demandera de déposer un devoir en ligne à une date donnée. Voilà. Vous aurez au minimum 3 semaines, hein, au minimum 3 semaines, hein, peut-être un peu plus, hein, pour rendre le devoir en question, pour lequel il vous sera demandé d'avoir, de vous être approprié les contenus qui auront été dispensés en cours pour les cours qui se sont tenus en présentiel. Je vous rappelle que pour ceux, dans le début du mouvement, lorsque ça a été possible, je crois que ça a été fait assez systématiquement, pour parenter les gens, on a mis en ligne des ressources, hein, pour les étudiants qui étaient engagés dans le mouvement et qui ne venaient pas en cours, et sur la base des documents qu'on aura mis à disposition sur la page IRIS. Et ces documents, pour la plupart d'entre eux, sont mis à votre disposition sur la page IRIS déjà depuis quelques semaines. Voilà ce qu'on peut faire pour l'anthropologie du genre et la parenté, en particulier en M3. Si les autres collègues veulent prendre la parole, ils le veulent. Alors, il y a quelqu'un qui devait parler là, ici, puis vous. En fait, si vous voulez, votre régime, c'est pas inscrit au CED ou pas inscrit au CED. Votre régime, c'est contrôle continu ou contrôle terminal. Les étudiants de contrôle terminal n'ont pas obligation de s'inscrire au CED, même si c'est conseillé pour qu'ils aient un support. Donc, de fait, quelqu'un qui aurait pour faire son inscription jusqu'au bout ne sera pas empêché de se présenter aux examens ou aux évaluations. Comme ça, à partir du travail que nous avons fait à l'interne il y a 8 jours. Ce matin, quand on a commencé à se réunir à 9h30 avec les enseignants précaires du département, ne l'avait pas eu encore. Donc évidemment, on n'a pas pu diffuser d'informations sur l'UMT pour contredire ce qu'on avait publié auparavant. Deuxièmement, ce que vous faites valoir par rapport au CED, à savoir que vous êtes obligé de travailler comme les étudiants du CED, alors que vous n'êtes pas inscrit au CED, si vous avez bien compris. Il y a des étudiants du CED qui disent exactement le contraire, ça veut dire que vous aurez exactement le même service qu'eux qui ont payé pour être inscrits au CED. Donc là, on a affaire à deux demandes qui sont parfaitement contradictoires. Dernier élément de réponse, par exemple, on trouve des cours d'anthropologie et d'économie dans L3, très probablement qu'il faudra en passer par les cours du CED, c'est 75 petites pages. Merci pour répondre. Vous faisiez référence au cours d'informatique, c'est ça? c'est ça, ou de anthropologie de la personne, qui comme dans les deux. Enfin, tout ce qui est intéressant, et on a vu, il y a. Voilà. Mais c'est pas la même. L'A3. En L3, sur le compte d'anthropologie de la personne. Voilà. Alors. Enfin, non, j'ai pas posté le 7 dans son intégralité. D'ailleurs, ça va être complété aussi par des notes de Laurent Legrain dessus. Et je vous rassure de suite, l'évaluation, elle va porter sur un devoir fait à la maison. Je pense, enfin, j'ai pas encore déterminé exactement quelle va être l'évaluation, soit sur une fiche de lecture croisée, soit sur un sujet libre. Donc, ça sera en tout cas un devoir fait à la maison. Après, qui est 100 pages, je ne sais pas quoi vous dire, pour certains c'est plutôt rassurant. À vous d'hiérarchiser les informations, mais vous pourrez les hiérarchiser vraiment en fonction du sujet qui est vraiment. Et ces 100 pages-là, je les ai mises il y a un moment, enfin, il y a assez longtemps. Et je les ai mises au fur et à mesure, je ne les ai pas postées d'un seul coup. C'est-à-dire que chaque semaine, chaque 15 jours, je mets une vingtaine de pages, 30 pages, donc j'ai quand même laissé le temps à chacun. De votre part, il y en a eu plus et une autre. Nous n'avons pas oublié, par ailleurs, les différentes vies que nous menons en parallèle. Et ce n'est pas parce que vous avez été tellement engagé dans un mouvement que vous avez nommé que la vie continue. Et vous êtes aussi étudiant ou étudiante. Et si j'ai bien compris, le mouvement que vous menez, c'est pour précisément le rester dans les meilleures conditions. Donc, assumez aussi vos responsabilités jusqu'au bout. Oui, oui, mais c'est compliqué pour tout le monde. Alors, on a perdu l'ordre de parole, mais il y a eu des doigts qui sont levés là-bas. En plus, bien madame qui, à la tribune, peut faire ce point. apprentissage. Donc, vous avez Rémi, Aaron, Rémi et Larry. Moi, je voulais juste préciser un peu que je parlais d'engagement, et ça avait ce que disait Noémie, c'est que les étudiants se sont engagés sur une certaine manière de avoir un rapport au savoir en début d'année, qui est divisé en deux parties, mais aussi en d'autres sous-parties, et qui est celle d'apprendre via le CEP, apprendre via un truc numérique qui est incontestable, c'est une manière d'apprendre et de diffuser du savoir qui est une manière différente. Le CEP, je l'appelle quand on va en cours en fait. On est face à quelqu'un, on va remettre en question ce qui est son outil, ou on peut débattre, ou tout ça. Je pense que cet engagement-là, de notre part et de notre part, doit être respecté, et donc discuter par rapport à la situation compliquée, très compliquée que le gagnant est en train de mettre, et le position que la gagnée est en train de faire vis-à-vis des examens, de tous les départements. C'est vrai que c'est une bonne idée de partir sur une discussion collective, UE par UE, de comment on conçoit, nous, en fait, ces examens et sur ces thèses. Ça pourrait se passer dans un autre contexte dans lequel on est bon. On vous a proposé de faire l'État, des écoles, des cours, UE par UE, pour voir concrètement où nous en sommes. Et alors, quand ça s'est fait après, on a été engagé par d'autres questions, et apparemment, il y en a encore. On prend les deux questions qui se sont manifestées, les trois personnes qui se sont manifestées, puis après, on passe à ce point-là. À qui le tour, alors? Je ne pas simplifier le concept avant qu'un père des résumés plutôt que de voir tout pas de ça, c'est peut-être aussi à vous de faire le travail. Les normes pour le CED, même si elles sont respectées de manière extrêmement variable dans les enseignants, mais ce qui nous est donné hein, pour deux heures, il y a 3-4 pages. Moi, le CED, c'est ça. Voilà. Donc si vous avez un cours de 24 heures, mais on ne peut pas vous faire ce que vous demandez, c'est-à-dire des résumés qui iraient jusqu'à assécher la matière d'un coup en quelques pages. Enfin, on vient de parler des étudiants, là, il y a un instant. Je pense que vous êtes ici, les uns et les autres, pour l'acquisition d'un vrai savoir et non pas d'un truc complètement liquide. Bon. Je vais même être encore plus dur et pas être populaire, mais les cours du CED, même quand ils font 75 pages, nos attendus à nous, c'est que vous lisiez beaucoup plus que 75 pages. C'est-à-dire que vous lisiez aussi à une partie de la vidéo. Idéalement, les cours sont pour secondaire, donc vous ne pouvez pas nous demander de. Le cours que vous avez, même s'il fait 60 pages, c'est déjà un résumé. On va pas faire des résumés de résumés. À un moment, il y a plus de contenu. On est une discipline qui suppose un minimum de lecture. On sait que c'est compliqué pour vous, mais ça, c'est des attendus minimaux. C'est un engagement quand même, un engagement de rapport au savoir et un travail de fournir. De fait, un cours de 60 pages, c'est vraiment le minimum. J'ai reçu 5 pages d'un cours, on nous envoie d'accord tous les cours d'AVP, c'est-à-dire 35 pages. Sur une jeunesse de la fin de journée, c'est beaucoup. Vous n'êtes pas obligé de soupir dans la journée. Et recevez un mois. Oui, mais j'ai l'impression qu'on va pas, enfin, on va pouvoir s'entendre là-dessus. Mais si on s'accorde à dire, on va passer à d'autres sujets, parce qu'il y a deux personnes qui allaient encore prendre la parole, mais il va falloir arrêter si on veut continuer, enfin, faire ce tour de tout par une. Mais. Il y a quand même un minimum, quoi. Enfin, vous allez valider, l'enjeu pour vous, c'est de valider une licence d'anthropologie. Vous n'allez pas valider, je pense, une licence d'anthropologie sur la base d'un vademécum de 6 pages pour chacune de la licence. Hein. C'est pas possible. Hein. Sinon, il n'y a plus qu'à faire paraître une annonce, vend en solde, licence en anthropo, au miracle. Voilà, mais je suis caricatural, évidemment, je suis un peu caricatural, mais ce que vous nous demandez là, c'est de jeter notre tourisme dans la frange. Donc, en haut, je crois, vous. N'avez pas les notes du premier. Et pour les masters. Donc, on va commencer par donner vos notes du premier semestre. Vous passez vos examens, vous avez vos notes du deuxième semestre. Et à partir de là, vous saurez rattrapage, compensation. Simplement deux à une intervention, je crois, et après on va devoir arrêter si on veut passer une voiture, oui. Est-ce que vous avez des nouvelles de Madame Costa? Oui. Très bien. On a croisé longtemps. Certaines vues ici, vous avez compris qu'on envisage de faire des examens à distance, enfin une évaluation à distance de manière remote, donc on va rentrer un peu plus en détail. Pas d'éventualité, quoi. Bien. Donc je vous quelques-uns d'entre nous proposeront des regroupements pédagogiques ou des cours qui n'auront pas le même format que ceux que s'ils étaient tenus évidemment dans le temps du second semestre normal. Mais on proposera dans certaines villes des regroupements pédagogiques ou des cours. Sur la droite. Bon, j'allais vous dire tout à l'heure, pour le cours de L3 en anthropologie de l'économie. Je n'ai toujours pas commencé. Ce n'est pas contradictoire avec ce que je disais tout à l'heure. Pour moi, ce qui importe, ce n'est pas de faire passer l'examen pour savoir de manière très scolaire où en sont les étudiants. Moi, ce qui m'intéresse de savoir, c'est la connaissance qui a été transmise dans le cadre de ce cours. Alors, voilà ce que j'ai envie de dire. C'est une question qui me taraude depuis un bon bout de temps, vous en doutez un petit peu. Soit le blocage continue. Et là, il n'y a pas d'ambiguïté, on fera passer les examens, comme on vient de dire, très certainement par voie informatique. Et bien entendu, je ne ferai pas de cours. Si le blocage est levé, je ferai des cours de rattrapage. Et si le blocage continue, je ne ferai pas, bien sûr, de cours avant l'examen. Donc, les gens feraient après. Il n'y a aucune ambiguïté, j'ai déjà fait, c'est très bien ce que ça a fait. Ceux qui sont intéressés par le contenu du cours, je donnerai des séances un peu digest, bien sûr, mais je ferai un rattrapage sur le contenu, indépendamment, je répète, indépendamment de l'examen. Bien. On va reprendre avec la première année. Lieu 201, hein. L'anthropologie et ses rêves. La grosse partie de la première année, je vous donc, je ne peux pas faire deux choses à la fois, en fait, écouter, parler en deux temps. Donc, pour ce qui est de ce gros cours de première année qui représente deux cours magistraux chaque semaine, là, vous avez été destinataire d'un document qui a été mis en ligne sur la plateforme. Il y a plusieurs documents. Je ne sais plus. Je peux nous préciser ça, Francis, qui en fait, c'est un document, plusieurs documents. 221. Alors, le cours de lieu 201. Est arrivé en pièce détachée. Pour l'instant, c'est à dire, je parle sous le contrôle de ceux qui sont en première année. C'est-à-dire que, sauf erreur de ma part, il y a eu deux séances qui ont réellement eu lieu en présentiel, et tout le reste a été compensé par des cours écrits, soit des bouts du cours du CERF, soit des bouts du cours du CERF, plus autre chose. Mais je pense qu'on est avancé dans le semestre en parallèle par rapport à ce qui aurait pu être fait. Donc à l'arrivée, vous devriez avoir un coût de 201 par voie informatique qui serait l'équivalent du coût en présentiel. Si je me trompe, dites-moi. Oui, je me trompe. Donc on n'est pas loin du compte alors. Donc on manque encore 2 ou 3. Voilà. Les derniers que j'ai vu passer, c'était. Oui, on n'est pas loin d'être. J'ai oublié de faire passer le mien, qui était prévu dans les 2 dernières séances du semestre. Hein. Je ne suis pas trop pour ça. Mais c'est prêt, hein, je vais le poster, il faut que je pense à le faire. Voilà, donc pour ce cours-là, ce dont on envisageait, c'est pas encore. Là, je vous dis des choses, vous prenez des évaluations qui ne sont pas définitives. C'est ce qu'on envisage. Ce qu'on envisage, donc, c'est sur la base de ces documents qui correspondent à ce qui aurait dû être dispensé en cours, en présentiel, sur la base de ces documents, ce qu'on va proposer, c'est une évaluation multiple de ce qui aurait été fait en temps normal. On n'a pas tranché véritablement si on le faisait à distance dans un temps à durée limitée, c'est-à-dire en gros comment ça marche. En fait, il faut que tout le monde se connecte à l'espace numérique de travail de telle heure à telle heure, tel jour, comme s'il était dans une salle de cours pour faire son évaluation, qu'il compose et au bout de 2 heures, le devoir est terminé et l'ensemble est posté, voilà, comme si vous aviez présenté. Vous étiez présenté en salle pour faire une évaluation sur table. On ne sait pas si on va faire comme ça ou si on va faire une évaluation sur table directement. Donc ça va être tranché bientôt, j'imagine, mais on n'a pas encore décidé. Alors juste par rapport à la modalité à distance à durée limitée, je le dis parce que ça peut arriver, si jamais on a un souci, si ça veut se faire qu'on a un souci sur l'ordinateur, sur un truc ou quoi que ce soit, quel moyen pourrait-on avoir pour aussitôt en envoyant un mail au responsable du lieu, comme il n'y a pas de connexion, comme il n'y a pas de bureau. Vous avez donné un partage de Jérôme ? Non. Dès que la connexion se rétablit, quel que soit le moment où elle se rétablit, vous envoyez un mail et à Corinne Janssen et au responsable de lieu. Ça me semble être la solution la plus. S'il y a une grève de métro pour se rendre au lieu des examens, il est impondérable ces examens. Alors, pour information, nous venions d'inaugurer cette année une formule possible pour les étudiants qui étaient en outre-mer, qui étaient bien présents à l'école. C'est-à-dire, ça doit être imposé de cette façon-là. Avec le devoir en durée déterminée, envoyé par mode informatique. Mais nous ne savions pas que ça allait servir. Peut-être bien aussi aux étudiants de métropole. Donc du point de vue du SEN, pour répondre à la question que je t'ai posée tout à l'heure pour les étudiants du SEN, là finalement rien ne change puisque les étudiants du SEN, Ariela, avant de partir, tu veux peut-être parler de ton mieux ? Ouais, d'accord. Donc pour les étudiants du CED, ça sera sur la base du document qui est posté sur la page CED. 3 semaines, je crois, ça a été rendu visible, 3 semaines, hein, il me semble, la 3e semaine du semestre. Alors, ça fait déjà quelques temps que vous avez le document visible. Et la modalité de composition sera la même que pour le contrôle continu. Donc ça sera ou un examen sur table, ou quelque chose à durée limitée à distance. A priori. Je termine sur la 220-202, donc 202, et je donne la parole à Ariel Altan avant qu'elle ne parte. Pour la 202, là, il me semble, oui, c'est ça, vous avez un travail à rendre, vous aurez un travail, je pense, à rendre sur la plateforme Iris, hein, où si les enseignants en charge des TD de 202 en présentiel vous ont donné d'autres consignes, hein, Vous devrez par exemple peut-être, si vous en demandez, leur envoyer le devoir par mail. Mais a priori, ça sera des comptes rendus de lecture, me semble-t-il, qui vous seront demandés dans ces UE-là. Je suis aussi responsable de ces UE. Je sais qu'en fonction des groupes de TD, les choses sont avancées de façon très inégale en fonction des groupes. Et qu'il y a eu pour certains groupes jusqu'à 7 séances qui ont été tenues et d'autres simplement une seule. Néanmoins, le suivi à distance a pu se faire aussi en fonction des différents chargés de TD d'une manière ou d'une autre. Donc là, on a laissé carte blanche aux différents chargés des différents groupes. Mais en tout état de cause, tout le monde, en début de semestre, a reçu par voie informatique l'ensemble des textes sur lesquels peut porter la fiche de lecture que vous avez demandé une fiche. Donc, à l'arrivée, on se retrouve à égalité. Bien. Alors maintenant, on fait une... On coupe un petit peu le rythme, on passe à UE2, de L2, la UE 402, la partie lecture, la partie anthropologie visuelle. Alors, je ne sais pas si tout le monde a reçu les nouvelles consignes, mais je vais dire la même chose du coup. J'avais demandé un dossier d'observation photographique, c'est toujours le même dossier qui est demandé, sauf que, évidemment, le moment où je vais le rendre, ça va dépendre du moment où je passe les examens. Donc les consignes fleurissent, ainsi que les deux premiers cours qui sont les deux seuls cours que j'ai donnés en présentiel, que j'ai postés directement après, et qui suffisent normalement pour avoir les billes, disons, pour faire ce dossier-là. J'avais demandé une dizaine de pages, entre 10 et 15 pages, une dizaine de photos, vous pouvez le faire plus court. Voilà, en fonction de... C'est mieux que... vous pouvez faire plus court en sorte que personne ne soit pénalisé vu la situation de ce semestre. Et je réponds aux mails, donc n'hésitez pas si vous avez des questions à m'écrire à mon adresse et je répondrai. Et voilà, et éventuellement pour les personnes qui sont intéressées par le reste du cours que j'ai pas pu donner, pareil dans un mail, je pourrais vous envoyer la suite du cours. Voilà, si ça t'intéresse sur le cinéma en anthropologie. Des questions sur le quotidien pour ce cours-là ? Merci. Pour l'UE 205, accompagnement du projet d'étudiant 2, là, il vous sera demandé de déposer un travail sur la plateforme IRIS. Laurence, tu peux en dire deux mots ? En fait, pour les étudiants inscrits au CED, vous connaissez les modalités d'évaluation, ce sont exactement les mêmes que celles qui sont en fait, indiquées dans le document, les vidéos là, présentées. Et pour ceux qui l'ont eu en présentiel, pour en aider, Marie, tu veux dire. Ouais, alors pour ceux qui sont en présentiel, l'évaluation, ça devrait être de 10 moments un résumé de chaque intervention. Et un compte-rendu un petit peu plus critique d'une des interventions que vous aurez choisies. Après, il n'y avait que deux interventions, donc soit vous faites sur ces deux-là, et il y en a une que vous développez un peu plus. Et pour celles et ceux qui n'auraient pas pu être là ou qui étaient désengagés dans le mouvement, vont être postées aussi deux vidéos de l'année dernière. Donc ceux qui n'étaient pas là aux deux interventions présentielles peuvent faire aussi sur ces deux vidéos. Voilà, et c'est toujours un peu la même chose, on postera sur les listes des consignes. Voilà pour les UE de première année ce second semestre. UE de deuxième année. Alors pour grands courants et concepts de l'anthropologie, UE 401. Donc pour l'UE 401 est divisé en deux. Vous avez 25 heures de cours magistral et 25 heures de travaux dirigés. Pour les 25 heures, la partie correspondant au cours magistral, vous avez un certain nombre de documents qui ont été déposés en ligne. tant pour le CED que pour tant que ce temps sur la page réservée au CED que sur la page ouverte à tous les étudiants. Donc là, ce qui va vous être demandé, je ne sais pas. Bon, on n'en a pas encore parlé. Juste pour expliciter mon hésitation, c'est pour ce cours-là, quand vous savez, enfin, vous savez, pour ceux qui ont suivi nos cours, je suis assez favorable pour donner les questions à l'avance. Pour ce cours-là, ça me paraît plus difficile. Donc, on risque de faire, j'imagine, un examen plutôt sur en temps limité avec une question qui arrive. C'est difficile d'anticiper, de poser des questions, comme on pourrait le faire en anthropologie de la parenté, en anthropologie du genre. C'est l'histoire de la discipline. Je ne sais pas encore. Non, mais... Je n'ai pas vu l'idée là tout de suite, mais on va y réfléchir, on essaie de trouver une solution qui soit la plus satisfaisante possible pour tout le monde, qui permette à la fois d'évaluer un niveau de connaissance minimum et une part de réflexion personnelle, mais qui en même temps ne pénalise pas excessivement les gens qui n'auraient pas pu consacrer 25 ou 30 heures de travail à ce cours ce semestre. Alors, on essaie de trouver une solution pour aussi cette zone. Donc, par ailleurs, donc ça sera pour les étudiants inscrits en présentiel, enfin en contrôle continu, ça sera la moitié de la note. L'autre moitié de la note sera le travail qu'ils devront rendre pour la partie travaux dirigés. Donc, pour la partie travaux dirigés, il y a certains des enseignants qui sont là. Si vous pouvez le dire vous-même, sinon. Pour les travaux dirigés dans de grands courants des concepts, il y a des comptes rendus de lecture qui nous ont déjà été demandés depuis un moment. Ça a été évoqué déjà. Donc là, deux comptes rendus de lecture qui nous ont déjà été demandés au moins dans les deux groupes. Le groupe de Léo Berthet, je ne sais pas, je n'ai pas en tête, mais l'idée là, c'est que vous continuez à travailler selon des consignes qui vous ont été données dans ce TD. Les consignes ayant été données depuis longtemps, je crois qu'il y a, Benjamin l'a dit tout à l'heure, au moins dans son groupe, il y a pas mal de parts qui ont été levées. Donc il n'y a pas de problème majeur qui se pose. Hein. Ceux qui sont au contrôle terminal sont évalués uniquement sur la base de l'évaluation sur le cours magistral, qu'ils soient au CED ou non. Donc l'UE402 est divisé en anthropologie visuelle, d'une part, de ça on a vu, et d'autre part, en anthropologie d'actualité et lecture. Audrey, tu veux dire un mot ? Actualité d'anthropologie, plus qu'une fiche de lecture avant. Une fiche de lecture, oui. obligatoire. Si vous avez déjà fait deux, rendez-les quand même. S'il vous plaît. Plus fort, sinon on a aucune chance, t'entends. Je me demande, non, mais est-ce que tu as une réponse? Pour l'UE 404, anthropologie des relations ethniques, puisque l'enseignante est là, elle va en parler elle-même. Qu'est-ce que j'ai dit? Alors, l'évaluation se déroulera dans un devoir sur table, je veux dire. Alors, je précise bien que le sujet portera sur les cours qui ont été donnés en présentiel, et uniquement en présentiel, donc ça réduit de manière assez considérable les cours, et j'ajoute qu'ils ont été postés sur Iris, quasiment simultanément. Donc, je veux dire qu'en fait, ça portera, on est d'accord avec Maxime Toutin, uniquement sur mes cours. Parce que moi, quand j'ai donné les cours en présentiel, je les ai aussi mis, enfin, postés sur Eric pour que les étudiants qui soient mobilisés ne soient pas pénalisés. Maxime Toutin n'a pas pu le faire, il voulait rattraper. Les rattrapages n'ont pas pu avoir lieu. Donc, le sujet portera uniquement sur les cours que j'ai pu donner, en présentiel ou mis. Sur les risques et qui correspondent au cours en présentiel. Je ne sais pas, ça doit correspondre à peut-être 12 séances, je n'ai pas fait le calcul, mais les cours qui ont été. Même si j'ai mis les cours qui correspondent au cours que je vais donner pendant le blocage, je ne serai pas intéressée là-dessus. Ce qui ne vous empêche pas de les lire quand même, parce que je les ai postés. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Ce sera un devoir sur table, si dans la mesure si c'est possible, sinon à distance. Pour la construction du projet d'enquête, UE 405. Donc là, il est demandé à chacun, il sera demandé à chacun de composer à distance. Il n'y aura pas de devoir sur table. Pour le CED, vous avez les consignes de Sébastien Roux qui ont été postées sur la page du cours CED. Je pense qu'elles sont complètes. Hein. Si elles ne le sont pas, il faut lui écrire. Pour ce qui est du présentiel, j'essaie de me rafraîchir la mémoire. Est-ce qu'il y a quelqu'un à 405 là? C'est un dossier aussi, sur la base des premiers travaux de terrain que vous avez faits? Oui, c'est ça, il n'y a rien qui change. Mais les consignes nous ont été données clairement. Ok. Et je crois, ça me revient, je crois me rappeler qu'au moins dans certains groupes, il y a un dialogue qui a été maintenu à distance minimum avec l'enseignant par mail. Oui ou non? Dans certains groupes, en tous les cas, ça a pu se faire. Et je me demande même si certains d'entre vous n'ont pas déjà rendu des microscrues ou... C'est ça, c'est Mélissa Néral hein. Et Yves Bureau, c'est ça. Donc Mélissa Néral et Yves Bureau, ça me revient, ont effectivement pu dialoguer avec quelques-uns ou quelques-unes d'entre vous qui ont rendu des micro-travaux, enfin des deux-travaux, et qui ont eu déjà des retours. Voilà. Donc vous continuez sur le même mode. À la fin, vous devrez avoir rendu au maximum à la date pendant la session d'examen. Donc à une date qui sera précisée sur la plateforme Iris, sur l'espace du cours, si ce n'est pas déjà fait, par les enseignants. Voilà. Donc la date est reculée en quelque sorte, hein, pour se conformer aux sessions. Voilà. Excusez-moi. Pour la L2, c'est terminé. Nous passons à la L3. Oui. Le devoir sur table pour entreprise de relations économiques, ça sera pendant la période de juin. Ça peut pas se faire à notre moment. Si ça peut avoir lieu, sinon ça sera à distance. Probablement à la même période. même chose que tout à l'heure, hein, prévenez en l'occurrence Laurence et Corinne Janssen en même temps d'une impossibilité éventuelle de pouvoir composer aux dates qui sont prévues. Dès qu'elles vous sont communiquées, essayez de vous organiser. En fait, ça se passe comme pour un examen normal, c'est-à-dire essayez de vous organiser. Si ce n'est pas possible, hein, prévenez Corinne Janssen et Laurence Charmin. Oui. Sinon, vous. Ah, si, ça pourrait être ça, bien sûr. Si un examen, bien sûr. Mais même si un examen à distance prévu à une heure précise, il pourra apporter des informations de présence, absolument. Donc, l'anthropologie des savoirs, lieu 600 000. Donc vous aurez, alors ce qui est prévu, a priori, si les cours, s'il est possible de faire des examens sur table, ce qui est prévu a priori, c'est qu'il y ait un examen sur table. Il n'y a pas, pour l'instant, Nicolas, il n'a pas dit qu'il envisageait un examen à distance, je crois pas, et ça sera sur la partie, je pense, correspondant au cours de Nicolas, je ne pense pas. Donc je récapitule, pour cette UE, anthropologie des savoirs, vous allez être évalué sous la forme d'un examen sur table, a priori. S'il n'y a pas d'accès au locaux, on verra. Sur la partie qui aura été dispensée par Nicolas Allen. Et concernant les dossiers, sur la partie dossier du cours, les cours du mercredi, ce que vous propose Benjamin Dubertrand, c'est hors toute évaluation de vous rencontrer pour vous faire des retours sur les dossiers qui auront été rendus. Voilà. Donc il y a une intervention de. Alors pour les étudiants du CEL, vous êtes. Il n'y a rien de changé par rapport aux dispositions du CEL. C'est-à-dire qu'il vous a été communiqué à la troisième semaine du semestre un contenu de cours. Et a priori, c'est sur ce contenu de cours que vous allez être évalué. Sous la forme, là aussi, d'un examen sur table si on a accès à des locaux. Et j'imagine, à distance, on n'a pas accès à des locaux. Et là, Nicolas, c'est pas encore pour. Alors oui. S'il vous plaît, essayez de vous écouter. C'est comment arriver à traiter de manière relativement équitable tous les étudiants du même lieu. Alors, ce qui nous a paru équitable à ce moment-là, enfin, ce qui a paru équitable à ce moment-là dans la discussion qu'on avait avec Nicolas Allen, dans cette réunion il y a 10 jours, c'est qu'il y avait, un minimum commun à tous les étudiants de cette UE, c'était le contenu des cours dispensés par Nicolas Allen, et que compte tenu du fait que tous les cours n'avaient pas pu être faits sur tous les dossiers, eh bien, chaque étudiant qui avait rendu les dossiers, tous les étudiants qui étaient censés rendre les dossiers ne pouvaient pas être évalués de la même manière, justement, les uns par rapport aux autres. Et quand on n'a pas eu vraiment à faire un côté impositif et un côté principal qui a été accumulé pour exposer par rapport à ce côté de savoir, on est à peu près tout au bout de nous avons quasiment eu aucun côté. L'idée, c'est que les dossiers et les TD faisaient quoi les CM quand on a eu partie de l'enseignement. Oui. Pour le set de savoir, je ne sais pas si je suis la seule, mais moi je l'ai eu il y a moins d'un mois, le set de savoir. Je l'ai reçu par la poste et je l'ai eu de disponible sur Iris il y a moins d'un mois. Alors visiblement, je crois que j'ai des problèmes avec le set, mais... Disponible sur Iris il y a moins de deux mois? Oui. Alors, je ne suis pas formel. Je suis la seule, hein, mais... Je ne suis pas formel, mais il me semble que Nicolas Adel a ouvert les droits sur les cours du CED de savoir exactement au même moment que la plupart d'entre nous l'avons fait, c'est-à-dire au cours de la troisième semaine ou au début de la quatrième semaine. Mais j'en ai déjà parlé avec vous du fait que moi, personnellement, quasiment tous mes cours du CED ont été ouverts entre il y a un mois et un mois et demi, voire deux mois pour le premier cours que j'ai eu. Mais j'ai vraiment eu plein de problèmes avec l'ouverture et quand je vous en parlais, vous me disiez que c'était ouvert et moi je n'y avais pas accès. Maintenant vous les avez ? Maintenant oui, je les ai, mais du coup ça fait un mois. Et pour le coup, je ne sais pas vous expliquer mieux. Bon, ça me rappelle vraiment quelque chose cette discussion. Oui, oui. Mais vous êtes nombreux et il y a beaucoup qui parlent avec moi pour les mettre plus tard, je dis. Mais. Vous gagnez un mois avec le report des examens, je vois ? Oui, oui, je sais, mais. C'est pas idéal, hein, bien sûr, hein, mais je ne sais pas vous expliquer pourquoi. Alors, à mon avis, la seule explication. C'est qu'au niveau du CED, vous n'avez pas été enregistré en même temps que les autres comme régulièrement inscrit au CED, et donc vos droits n'ont pas été ouverts au même moment que les autres. Alors, c'est la seule explication que je vois. Moi, j'y ai été le premier jour d'ouverture du CED, j'ai eu la chance de ne pas connaître la grève. Bah, je ne sais pas vous dire autre chose. Hein. Je me mets à parler de moi. Je ne sais pas vous dire autre chose. Parce qu'en Belgique, on utilise le mot savoir comme au Québec d'ailleurs, pour le mot pouvoir parfois. Madame. Oui, c'est vrai, c'est très intéressant. C'est en France qu'on utilise le mot pouvoir pour le mot savoir, ça répond de bien aussi. Donc voilà, je m'étais pris à. C'est cocasse. Bon, voilà. Merci. Moi, je suis restée dans votre 31 place pour plusieurs yeux, mais je n'ai pas pu les mettre sur celle, parce que justement, il y avait la salle. Du coup, je n'ai aucun contenu. Est-ce qu'il y a un retour possible ou je dois essayer de les procurer maintenant? Alors, moi, ce que je vous suggère, c'est d'écrire à chacun de vos enseignants. Vous avez 4 ou 5 différents, hein. vous posez directement la question et vous demandez s'ils peuvent mettre à votre disposition le contenu de cours réservé au contrôle terminal. Ou alors envoyer un mot sur Facebook à quelques camarades et vous avez les cours à venir très très rapidement. Je pense. Bon, c'est normalement pas une solution par rapport à mon mal. Voilà. Je peux pas vous dire autre chose. Hein. Alors, anthropologie savoir, on a passé un bon moment, on va passer à la suite. Anthropologie économique, c'est fait ? Plus ou moins. Ça fait déjà. Non. La 602 est en deux segments. Il y a anthropologie religieux. Et là, je crois savoir que vous avez toutes les parties ou sous-parties, plutôt en arrivé par le 7. Je passe la parole à Laurent pour compléter. Et donc la partie anthropologie du religieux 2, c'est un cours qui était fait à quatre voies. J'ouvrais des cours, la fois j'étais avec le rituel, j'ai pu faire deux cours en présentiel. L'un était enregistré par la DETIS, donc l'enregistrement, je n'ai jamais eu l'accès, il a été filmé. Il n'y a que les étudiants qui étaient en présentiel qui vont savoir ce que j'ai dit. Le deuxième cours, je l'ai enregistré sur mon téléphone, mais je ne l'ai pas vu parce qu'il est à la suite du premier. Et le troisième était donc en gros les trois premières séances, vous ne serez pas interrogé là-dessus, puisqu'il n'y a eu que quelques étudiants, les étudiants qui assistaient au cours à ce moment-là, qui ont pu. Donc la deuxième partie était faite par Guillaume Rosenberg, qui n'a pas pu tenir toutes les séances en présentiel, mais qui a donné un cours. Celui-là, c'est bien le seul qui est vraiment massif pour trois séances, ça doit faire 80 pages. Là, il y a un gros travail anthropologie du bouddhisme. Lisez-le pour votre culture générale, c'est passionnant. On peut vous interroger là-dessus. Le troisième cours a été fait par Laurence Charlier, que tu n'as pas pu faire en présentiel, mais tu as donné un document écrit au moment où tu aurais pu donner les cours. Et toi, Laurent ? Donc moi, j'avais les trois dernières séances. Alors pour la dernière séance, je ne sais pas ce qui va advenir. et pour les deux séances qui devaient se faire cette semaine, je vous envoie demain, au tout début des vacances, une vingtaine de pages pour ces trois séances, plus une dizaine de pages d'annexes que je vous conseille évidemment de lire et d'explorer sur toutes ces coutumes. Mais vous ne serez pas interrogé sur les annexes, mais c'est précisé dans le document. Et pour le 7, c'est la même chose. Nous, vous avez déjà entendu il y a quelques jours une étudiante qui me parlait dans les couloirs de la fac qui s'appuyait sur le 7 de l'année dernière. Ne le faites surtout pas, puisque le 7 de l'année dernière était donné par Galia Vachitova, il n'a absolument rien à voir. Donc là, il y a un gros changement entre l'année dernière et cette année. Enfin, lisez-le pour votre culture générale, c'est très bien, mais les étudiants du 7, appuyez-vous. Et c'est le seul coup où il y a un vrai écho entre le 7 est aligné sur le présentiel. Certains d'entre nous avons choisi de se faire filmer, comme moi, pas de chance, donc les étudiants du 7 n'auront pas ça. Mais j'ai mis des textes, j'ai posté des textes sur Iris, lisez-les. Et pour les autres séances, ceux sur lesquels il y a une base écrite, les étudiants du 7, comme les étudiants du présentiel, qu'ils aient pu être là ou non au cours, ce sera sur cette base-là que vous serez informé. Est-ce qu'il y a des questions sur cette partie du... Après, on passe à l'économie. Oui. Vous avez eu deux cours en présentiel et il vous a donné le... Mais le document écrit qu'il vous a donné correspond à l'ensemble. Ça fait déjà 80 pages. Bon, alors, on va vous envoyer la dernière partie. Je vais déjà envoyer un mot à Guillaume Rosenberg. Ok, on va vous envoyer ça avec le note. Ben vous avez eu très peu de cours en présentiel et les cours en présentiel, en partie, ça là, ce serait pénalisant pour ceux qui étaient engagés dans le mouvement puisque tout le monde ne venait pas au présentiel. Ce serait injuste de faire sur les cours présentiels, ça exclut ceux qui, pour des raisons de mobilisation, n'étaient pas là. Comme il n'y a pas de contenu alternatif, c'est impossible de faire... Là, ce serait vraiment une inégalité profonde pour les étudiants. Ceux qui étaient là, tant mieux, ceux qui n'étaient pas là. Il y a des ressources, vous avez des articles à lire, qui honnêtement, si vous passez quelques heures à les lire, ça vaut bien le cours que je vais donner en présentiel, largement. Appuyez-vous sur les textes écrits aussi. Donc, on aura un examen sur table. Enfin, sur table ou à distance, voilà. Sur table, table virtuelle ou table réelle. Okay. Sur table réelle, ou lointaine. Oui. Parce que là, dans vous avez parlé des IJRA dedans, vous pouvez d'ailleurs nous potentiel. Pas dans ce cours-là, hein. Les IJRA, là c'est pour l'entreprise du genre. Là on est en entreprise du religieux. Ça pourrait. Hein. Bien, le segment anthropologie économique. Lourdement sinistré. 0 séance. Alors, première chose, le cours du CED va vous être envoyé demain. Voilà. Donc, là, vous aurez 75 pages qui devaient correspondre au cours en présentiel. Tout le monde va le recevoir. En dehors de ça, deux options, je répète si possible de façon plus claire ce que j'ai dit tout à l'heure. Il y a deux possibilités. Ou bien la situation se débloque. Et là, très clairement, je ferai des cours de rattrapage de façon condensée, regroupée, etc. Ou bien la situation reste ce qu'elle est. Et là, on fera un examen sur table, s'il est possible de le faire ici ou à distance, s'il n'y a pas d'autre solution à partir du cours du 7. Mais dans les deux cas, avec des exigences allégées de ma part. Et je refais la proposition que j'ai faite tout à l'heure. S'il n'y a pas possibilité de cours avant les examens, pour ceux que l'anthropologie et l'économie intéressent, je donnerai des cours pour le plaisir, pour le mien, pour le vôtre, j'espère, sur des questions que je jugerai essentielles. Par exemple, en anthropologie du don et du contre-don. Pour moi, c'est essentiel. Impossible de vivre sans ça. Voilà. Donc, je ne veux pas vous laisser dans cette ignorance. Je ferai quelques heures sur ces questions-là. Vous vous mettrez d'accord entre vous, les étudiants de L3. Alors, vous essayerez de vous coordonner là-dessus. Et en fonction des circonstances, vous me ferez savoir si vous souhaitez ce genre de cours après les examens. Je ne sais pas, je vais en faire. Il faut se retrouver aussi juste avant le feu d'artifice du 14 juillet. Par micro-question. Oui, avec, je le répète, des exigences allégées. Version light. Anthropologie d'apparenté, anthropologie du genre, ça va être rapide. Donc, si les cours, si le déblocage se fait à la rentrée, Laurent et moi, Laurent Gabay et moi, on a prévu d'ores et déjà, enfin, on s'est dit ce matin, qu'on devrait vous proposer aussi quelques cours, peut-être deux, peut-être quatre heures, sous la forme de regroupement certainement, une demi-journée ou deux, sur anthropologie du genre et anthropologie d'apparenté. Voilà, pour aborder les questions, certaines des questions qu'on n'a pas abordées en cours et dont il nous semble important de le faire idéalement en présentiel, ou bien, et aussi pour répondre aux questions que vous pourriez avoir sur les... Moi, je pose une condition, c'est-à-dire que pour qu'on fasse ça, ça veut dire que vous avez lu, avant qu'on se retrouve, les documents qu'on a postés. Qu'on ait une vraie discussion, c'est pas un cours de substitution, c'est un lieu d'échange, mais qui suit. Nous, on bosse, mais vous aussi, vous travaillez, c'est-à-dire ce qui a été posté, vous le lisez avant qu'on se retrouve, et on discute de ça, entre autres. Voilà, si ça peut se faire, ça se fera au cours du mois de mai, et probablement pas la première semaine de la reprise. La deuxième, ça semble compliqué, enfin peut-être la première semaine, je ne sais pas. Il y a des jours fériés, enfin, ça va être compliqué, ça va être compliqué hier, les 15 premiers jours. Donc, on fera au mieux. Voilà. Et notre idée est d'essayer de vous proposer un petit complément. Et comme on l'a dit tout à l'heure, on vous fera passer sur les deux segments, sur chacun des deux segments, une question qui sera communiquée à l'avance, au moins 3 semaines à l'avance. Et vous aurez une date butoir à laquelle vous devrez remettre votre travail. Voilà. Sous la forme de dissertation. Réponse à une question sous la forme de dissertation. Ensuite... Excusez-moi. Oui. Pour le CED, c'est pareil. Ah oui, pardon, excusez-moi. Pour le CED, vous allez être évalué sur la base des documents postés sur la page IRIS spécifique au cours du CED. D'accord. Mais est-ce qu'on aura aussi ces deux questions à rendre chez nous Ah oui. Oui, je pense qu'on va vous faire travailler de la même manière. C'est-à-dire, pas un examen sur table... en présentiel, surtout en salle, mais un examen à faire à la maison, un travail à faire à la maison, à rendre à une date donnée. D'accord. Qui sera pendant les dates de la première session. Merci pour cette précision. Ensuite, pour le cours 604, anthropologie de la personne, anthropologie de la mémoire. Ça, c'était déjà prévu, donc ça ne change pas. On pense avec Laurent Legrain sur un sujet qui vous sera imposé, mais donné à l'avance, avec l'idée que vous mobilisiez aussi le plus possible les connaissances, soit vues en cours, soit sur les documents qu'on aura postés sur l'UNIS tout au long du semestre. Et sur la maison, je peux juste vous dire que c'est un devoir personnel à faire à la maison. Et je contacte Maria Bucoseur le plus rapidement possible en lui demandant de mettre les indications sur les listes. Vous savez, il y a une question. Vous avez demandé si elle a un cours sur les listes, parce qu'on n'a pas trop de groupes. Qui c'est ? En celle du client. Et pour le CED, oui, c'est un, dans la même façon, c'est exactement dans la même modalité en fait que ceux qui sont en contrôle continu. Donc un devoir pareil, ça sera le même. Pour le CED, je pense que c'est la même modalité aussi. Attendez, je vérifie. Oui, c'est la même modalité. Ce sera un travail personnel à faire et à rendre sur les listes. Vous savez que c'est la même note. Donc, en fait, la note, c'est une moyenne des deux notes. Ensuite, pour l'UE rapport de terrain. Ah, pardon, il y a encore une question, excusez-moi, vous avez vu. Francis me dit entre 30 et 50 pages. J'y ai pas réfléchi, mais là, ça ne sera pas un dossier, ça sera plutôt une question à traiter. Donc après, sous la forme de dissertation. Pour l'anthropologie de la personne. Enfin, pour mémoire, je ne sais pas. À mon avis. Pour mémoire, c'est un dossier. Pour les devoirs qui ressemblent à des dissertations, fixez-vous sur le format que vous rendriez en 2 heures. C'est-à-dire, grosso modo, composer jusqu'à 6 pages, 8 pages. Voilà, maximum. Non, on peut avoir des exigences un peu plus fortes quand c'est à la maison. Enfin, moi, je suis un peu exigeante quand même quand c'est à la maison. Surtout là, dans la maison, il y a plus de temps. Plus vaut mieux utiliser de référence bibliographique de ce. Mais on ne demande pas 15 pages. Mais c'est Pascal qui disait, j'ai pas eu le temps de faire ce cours. En général, écrire de manière synthétique, c'est plus long que de faire des longues versions. Donc c'est surtout le contenu qui nous intéresse. C'est pas le temps de faire cours. 605, donc rapport de terrain. Putain. Là, c'est un travail personnel qui vous est demandé de rendre. C'est quoi ? Je veux parler. C'est pour 605. Oui, c'est ça. Maxime vous dira un mot. Je dis un mot pour le CED. Donc, les étudiants du CED en rapport de terrain, ils ne doivent pas être très nombreux ici parce qu'ils sont un peu dispersés un peu partout. Mais donc ça s'est passé en 2 temps avec un rendu d'une thématique au début de l'année. Et puis ils sont occupés maintenant à faire leur terrain. Je signale que pour tous les problèmes, et depuis le début, en particulier depuis février, mi-mars, il y a une plage horaire le vendredi entre 16h et 18h qui est ouverte. Et, pour des entretiens par Skype où je réponds aux questions, aux problèmes et aux angoisses. J'essaye d'apaiser les angoisses quand je peux. Donc voilà, il n'y a rien qui bouge pour cette UE-là, sauf évidemment la date du rendu final qui passe de mai à juin. Une question là-haut. Parce que là, il n'y a pas très longtemps, on a reçu des consignes qui nous disaient qu'on devrait rendre le rapport final le 11 mai au lieu du 4. Du coup, ça, maintenant, on annule et c'est en juin maintenant. Oui, on dit que c'est. Et par rapport au rendu des analyses des entretiens aussi, à la base, on est censé, enfin, en tout cas, nous, avec Jonathan Chibois, on doit le rendre dimanche. Et. Là, c'est pareil. Jonathan Chibois, bon, on a pris le temps de communiquer avec lui. Il nous avertit qu'il ne pouvait pas venir aujourd'hui à sa réunion. On a pris le temps de communiquer avec lui depuis la diffusion du communiqué hier soir. Enfin, la prise de connaissance du communiqué hier soir. Mais de toutes les façons, ce qui a été dit dans le communiqué s'impose à tout le monde. Donc, la date de rendu sera changée. Disons que. Dans le pire des cas pour vous, ça sera la première date de la session d'examen. Voilà. On va demander à chacun des enseignants responsables de chaque cours de diffuser une information sur la plateforme IRIS, de façon à ce que tout le monde soit, tous ceux qui ne sont pas présents ici en particulier, soient renseignés. Merci, tu veux rajouter. On a déjà diffusé des informations concernant les changements par rapport à nos actions sur ce rapport final. Jonathan Chimois, normalement, vous a envoyé aussi au groupe concerné une sorte de fiche technique pour rédiger le dossier. La mienne est prête, il faut que j'envoie à venir aussi pour le groupe qui me concerne. Du coup, il y a quelques différences entre la manière de mener les choses du côté de Jonathan Chibois et la mienne. Donc, moi, je peux être sûr que pour la mienne, c'est-à-dire rendre le dossier, donc la date ne sera communiquée, bien sûr, cette date, vous vous en souvenez, est caduque. Une nouvelle date ne sera communiquée bientôt. Donc rendre le dossier avec en annexe des bouts d'entretien retranscrits réalisés par chacun des membres de chaque groupe pour pouvoir personnaliser la lettre. Voilà. Après, sur ce que vous devez prendre dimanche avec Jonathan, ça va servir. Malheureusement, ça pourra servir. Moi, je demande à mon groupe de mettre cet entretien retranscrit en annexe du dossier final. Donc il sera rendu en même temps, en juin, que le dossier. Bien. Une éventuelle dernière question après on va être du jeu de bord. Je vais discuter avec lui, avec Jonathan, et il vous fera passer une information définitive dans les jours qui viennent. Mais comme vous avez vu que les informations se superposent, enfin, faut s'ajuster. Quoi. Juste les consignes. Dernière. Oui, juste. Non, moi, c'est juste une précision. Les consignes de l'entretien, c'est vrai qu'il nous a dit il y a longtemps qu'on allait faire un entretien, une analyse, tout ça, mais les consignes, ils ont été postées sur l'ENT le 4 avril. Et il nous les a envoyées par mail le 4 avril aussi. Après, c'est vrai qu'on est au courant depuis longtemps, mais les consignes précises, on les a eues il y a très peu de temps aussi. Ouais. C'est certainement lié au fait que tu espérais pouvoir faire quoi. Oui, mais c'est sûr, on n'est pas du tout. Bien, on est obligé de tort pour ça. Oui, vas-y. Pour ceux qui ont des mandats sur une F3 à l'étranger, du coup, est-ce qu'on fait une croix dessus ou du coup, même si c'est décalé, évidemment, c'est possible. Non, pas un mais la situation actuelle sur la femme. quand on sait que derrière l'écran, on ne sait pas ce qu'il y a, on ne sait pas si avec. Enfin, voilà. Je me pose la possibilité aussi de partir à côté de cette manière-là. Moi, j'ai parti des décisions un peu mobilisées sur la fac, et il n'y a pas longtemps, donc, j'avais agité qu'on allait bientôt passer les partiels. Et donc, en fait, je suis rentrée chez moi et j'ai commencé à travailler mes cours. Et j'ai adoré ce que j'ai commencé à lire. Et en fait, depuis quelques jours, donc, j'ai levé la tête et je me suis rendu compte que ça fait quelques jours que j'apprenais des trucs super intéressants, mais que je venais complètement démobiliser du mouvement. Et donc, je nous avais demandé de vous faire part de mes angoisses. Et donc, moi, il y a quelque chose qui m'angoisse, c'est l'idée que toute la mobilisation s'arrête après 4 mois de mobilisation à fond. Donc, c'est mon angoisse. Et donc, c'est juste pour vous dire que dans les jeux du quartier, à part les événements qui sont collectifs, parce que bon, je connais pas mes camarades, et bien j'ai dessiné, mais je ne propose pas. Merci de votre intervention. Les angoisses, les comprenons. Pour ce qui est de la mobilisation, vous savez quoi en penser. Il y a des questions qui ne relèvent pas de notre ressort, notamment la question du 10 améliorable. Ça ne prend jamais la décision des départements. Jamais. Et de toute façon, je pense que ça ne sera pas possible au niveau de l'université, parce que c'est simplement illégal. Mais ça n'est pas que notre ressort. Ça n'est pas notre ressort. Nous ne pouvons pas appliquer dans ce département une modalité qui nous serait propre. En revanche, ce qui est de notre ressort, c'est ce que je vais vous dire. Et pour le sujet, ce qui est celui de la mobilisation aujourd'hui. Je ne parle pas de la première mobilisation autour du projet INEX et de fusion. On s'est battu, on a réussi à mettre le projet sur la touche. Je parle là du sujet de mobilisation concernant la loi Vidal, c'est-à-dire la loi ORE, et Parcoursup. Nous avons pris et voté à l'unanimité la motion que je vais vous lire, qui a été envoyée à la direction de l'UFR, de notre UFR, et diffusée à l'ensemble des départements de l'université. Et elle a gagné, bien entendu. Merci. Compte tenu des conditions dans lesquelles il est demandé au département de procéder à la mise en œuvre de l'examen des candidatures déposées sur Parcoursup, et devant l'impossibilité concrète de cette mise en œuvre, le département d'anthropologie prend la décision de classer tous les dossiers en rang 1. Nous ne ferons pas sélection. Premier exécutif. Voilà. C'est pas une lutte qui est locale, hein, mais c'est une lutte qui, nationalement, a été. Ce genre de motion n'est pas spécifique à notre département. On s'est aligné. Les départements d'anthropologie, plusieurs, qui ont tenu exactement le discours. D'anthropologie, de sciences sociales. On a reçu un communiqué, un mail de Valérie Robin, notre ancienne collègue, qui travaille aujourd'hui à Paris Saint-Marc. Qui est en place pour l'anthropologie à Paris Saint, leur département qui n'est pas un département d'anthropologie, mais un département de sciences sociales, a pris la même résolution. À Nanterre, même chose, et partout ailleurs, à Nice. Donc il y a d'autres dispositions d'une autre nature qui ont été prises aussi. Par exemple, certains départements ont refusé de siéger. Ils ont dit on refuse de siéger. Donc ils n'ont pas dit on passe en rang 1, ils ont dit on refuse de siéger. Et par vous savez bien que pour pouvoir mettre en côté le gouvernement. J'ai dit que ce n'était pas une agence. Non, c'est la question que vous avez été posée, j'y réponds. C'est une réunion, mais c'est pas une AG. Je voulais juste corriger une chose de ce que vous avez dit. Que vous sentiez que l'administrateur provisoire exerce une pression sur certains. Je peux vous dire, en mon nom propre, aucune pression sur vous. Notre décision d'essayer de trouver des modalités alternatives d'examen, c'est absolument pas. Je n'ai pas reçu un mail de l'Académie me disant qu'il fallait faire comme ça. Bon. C'est pas ce que la pression, là, on le fait, nous, en conscience partagée, pour essayer de trouver une manière de ne pas mettre la mienne en l'air. Oui, mais en étant un peu plus mobilisé, c'est une pression pour dire que là, on va avoir une partielle, en fait. Parce que ça devient mobilisé. Alors, là, je ne dois pas le choix entre une partielle et une mobilisation. la difficulté, c'est qu'il faut prendre en compte, vous demandez de prendre en compte votre point de vue, mais qu'il y a beaucoup d'autres étudiants qui n'ont pas la même expérience, ni le même point de vue, ni le même engagement, et qui disent que leur intérêt à eux est de valider une année pour différentes raisons qui leur appartiennent. Valider une année, valider des enseignements pour avoir un diplôme reconnu. Voilà. Et donc, quand vous nous dites ce que vous nous dites là, ça veut dire que quelle est votre alternative ? Semestre blanc. L'autre alternative, c'est semestre blanc. Et alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on dit à tous les étudiants qui se sont inscrits, quelle que soit la nature de leur engagement, quelle que soit leur position personnelle, politique, etc., on dit à tout le monde, bon, mais cette année, vous serez inscrits pour avoir au mieux validé un semestre. Donc, à l'année prochaine. C'est pas non plus une solution très satisfaisante. Quant à la solution du 10 améliorable, le 10 améliorable, il y a plusieurs objections. D'abord, l'objection légaliste de Francis, l'objection un peu plus générale, qui consiste à dire que de notre point de vue à nous, et je parle pour tous les enseignants titulaires de ce département, je ne parle pas pour les enseignants qui ne sont pas titulaires, parce qu'on n'a pas parlé de cette question ensemble, mais pour tous les enseignants titulaires du département, ça contribuerait à dévaloriser le diplôme que l'on vous délivrerait au niveau national. Mais il y a aussi une autre objection, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on fait passer tous les étudiants de L1 en deuxième année. Alors beaucoup d'entre eux seront très contents, mais concrètement, demain, on n'établisse pas pour eux. On ne pourra pas faire cours à 260, 280, 500 étudiants en année de plus. Impossible. Là, on est obligé d'arrêter cette réunion. J'ai pris la précaution en début de dire que ce n'était pas une AG, c'était bien une réunion. Il y a des AG, portez votre point de vue à l'AG. Nous sommes partagés entre deux exigences, celle d'être solidaire de votre lutte contre la loi OMO, et j'espère qu'il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. Celle aussi, j'ai envie de le rappeler, de maintenir l'exigence des diplômes que nous délivrons par rapport à la discipline pour laquelle nous nous sommes battus, bec et ongles. Nous avons réussi à créer un département d'anthropologie dans cette université. Croyez-moi, ce n'est pas tous les jours que ça arrive. Et de ce point de vue-là, nous n'avons pas l'intention de brader quoi que ce soit. Ça, je suis très clair. Et là, je prends ma responsabilité. Pour ce qui est de la loi OME, il y a deux façons de considérer la lutte. La première, c'est de la mener pied à pied, mobiliser de façon frontale pour exiger l'abrogation de la loi ou le vote d'une loi qui vient annuler la précédente. Il y a la deuxième, et ça, chacun peut le faire à son niveau, et c'est ce que nous avons fait. Nous avons pris nos responsabilités, c'est de vider la loi de son contenu en refusant de l'appliquer. C'est ce que nous faisons. Nous sommes contre la sélection, nous l'avons écrit, et nous maintenant maintiendrons cette position. Voilà. Mais si je pourrais répondre à ça, merci de faire ça, mais en fait c'est très local, certains ont réuni les conseils de département mais ont lu notre motion en conseil de département, ont décidé ou non de voter d'autres motions sur le même modèle que sur notre modèle. Donc dire que c'est uniquement localisé, c'est faux en fait. Et on l'a fait savoir aussi à l'extérieur. C'est-à-dire qu'on a fait connaître aux collègues que nous avons dans d'autres universités la résolution que nous avons prise ici localement. Et bien avant, comme je vous le disais, les communiqués nous avaient été envoyés par d'autres collègues d'autres universités. Donc, à un moment donné, on nous dit que ce qui se fait nationalement est aussi l'addition de ce qui se fait en plusieurs lieux. Et aussi petit et modeste soit le lieu, même si c'est à l'échelle du département. Ouais. Et dernière chose, je voulais compléter ce qu'a dit Laurent tout à l'heure, je vous donne la parole. Tout ce dont on vous a rendu compte là, on en a discuté il y a 8 ou 10 jours, lorsque nous avons réussi à tenir un conseil de département à la cantine, à côté du bâtiment accueil. On ne savait pas du tout, mais alors on n'avait pas la moindre idée du contenu du communiqué d'hier. Donc vous pouvez avoir le sentiment que ce qu'on vous délivre là, c'est le résultat de l'imposition de Richard Lagané. Ça n'est en rien cela. Et aussitôt qu'on a envisagé de prendre ces résolutions, on en a informé les directeurs du département de l'UFR H2A, les directeurs de l'UFR H2A, ainsi que Richard Lagané. Donc en gros, ce que nous avons convenu entre nous il y a 10 jours, c'est le résultat d'une discussion que nous avons eue entre nous en fonction des arbitrages qu'on a su rendre compte là aujourd'hui. C'est-à-dire comment arriver à la fois sauvegarder le diplôme, à proposer des évaluations acceptables compte tenu des enseignements ou des contenus qui vous ont été délivrés ou qui vous seront délivrés, et permettre de ne pas pénaliser les étudiants qui étaient mobilisés. C'est en fonction de ces arbitrages qu'on a décidé de ça. Et ceux qui ne les sont pas. Nationalement et localement contre la baisse des budgets qui est constante depuis des années et des années. Dans la semaine tout à l'heure, que chaque année, je suis en France, la sélection est de fait, il n'y a pas assez de place pour les universités pour tous les étudiants. Donc, c'est une mienne qui ne peut pas faire passer les 500 L1, on a L2, etc. etc. C'est une sélection de fait. Et cette sélection, du coup, avant la CSD, par le fait que les étudiants qui doivent travailler à côté de leurs études, abandonner plus facilement et ne passent pas leur partiel avec le temps de succès, etc. Et voilà, c'est pour ça aussi qu'on lutte contre le fait que nationalement la sélection soit mise dans la loi et que maintenant cette sélection elle se passe plus facilement. Quoi. Et donc, je pense que faire passer des options, c'est très bien, on peut vous remercier, mais voilà, comme je disais, au bout d'un moment, je pense que ça va donner des résultats, mais on ne pourra pas faire passer des motions, on ne pourra pas faire passer chaque année ce genre de choses, parce que je pense qu'il n'y aura pas assez de place, on ne pourra pas accepter les étudiants, mais c'est une question de budget, et c'est tout l'intérêt de l'organisation nationale. On ne fait pas que faire passer des motions. Ce matin, on a eu une réunion avec les collègues, avec tous les collègues enseignants dans le département, y compris des gens qui ne sont pas titulaires et qui sont payés scandaleusement à l'heure de cours donnés. Des athères qui ont des contrats, mais des contrats déterminés, et des contrats doctorales universitaires qui sont des gens qui sont financés pendant 3 ans pour faire leur thèse et qui choisissent, qui acceptent, selon le point de vue, d'enseigner une soixantaine d'heures par an pendant 2 ans. Si on a fait cette réunion, c'est pour déjà faire le point sur la part des enseignements précaires dans les enseignements d'anthropologie. On se sent une responsabilité particulière en ce département, parce que c'est un département qui ne pourrait pas fonctionner aujourd'hui si les précaires, comme on les appelle, ne participaient pas aux enseignements à hauteur de 51%, si ma mémoire est bonne. Et donc, on a décidé de faire le point et de se revoir pour contribuer à écrire des propositions que nous allons faire, que nous allons diffuser, chacun à sa manière, le département à sa manière, comme il doit le faire, à l'intérieur même de l'institution, et les précaires mobilisés ailleurs, dans d'autres cercles, à leur manière. Voilà. Donc nous ne faisons pas que faire des motions, nous réfléchissons aussi à comment concilier l'exigence que nous avons vis-à-vis des enseignements que nous devons offrir et des recherches que nous menons, mais aussi l'exigence de solidarité que nous avons et le souci de solidarité que nous avons envers nos collègues qui n'ont pas la chance d'avoir les statuts que les titulaires ont. Juste sur la chose de regarder le diplôme, officiellement, c'est sûr que dire, j'ai pas officiellement avec les trois en vue de...